La chanson. Activité 3. Compréhension orale. Première écoute. Il a une façon de porter le costume qui ne le fera jamais ressembler à un bourgeois. Plutôt à une sorte de dandy punk, à la classe dérangeante. Regard fixe à la Buster Keaton, sourire et répartie ironique qui cache mal une timidité à fleur de peau, David Lafort, 32 ans, se veut distancié. Son parcours dit pourtant le contraire. Tour à tour, chanteur d'un groupe New Wave, comédien dans une troupe de théâtre pour enfants, réalisateur d'un court-métrage partout refusé et écrivain au roman en chantier, le Marseillais vient de sortir avec son groupe 5 têtes un premier disque qui impressionne. Deuxième écoute. Il a une façon de porter le costume qui ne le fera jamais ressembler à un bourgeois. Plutôt à une sorte de dandy punk, à la classe dérangeante. Regard fixe à la Buster Keaton, sourire et répartie ironique qui cache mal une timidité à fleur de peau, David Lafort, 32 ans, se veut distancié. Son parcours dit pourtant le contraire. Tour à tour, chanteur d'un groupe New Wave, comédien dans une troupe de théâtre pour enfants, réalisateur d'un court-métrage partout refusé et écrivain au roman en chantier, le Marseillais vient de sortir avec son groupe 5 têtes un premier disque qui impressionne.